zoper. Laisse faire les ondes qui te portent à l'horizon. Et parce que l'opinion changera à chaque saison, l'essentiel est d'en voir cette dite top tension. Mon album reste digne avec toutes ses décisions. Tu gardes ce que tu construis, et parce que c'est ainsi. Et même si tu dénonces le non-partage d'autrui, je suis ce que je dis, et non le contraire. Pour habituer la mode à ce que l'odeur peut faire, tu peux comprendre que je fais dans la simplicité, sans que je salisse le réel dans cette habilité. Réhabilité, j'affronte cette putain de société, me réveillant chaque matin disant vive la liberté. La face tu la comprends, regarde bien contenu. Je ne vis que sur l'impression que je suis un détenu. On a fermé la porte sur la beauté de mes rêves, au point que l'écriture ne voit plus rien qui s'achève. Je crève et jamais personne ne veut que tu te relèves. Trop de monde sur une terre qui n'a plus de sève. Lassé de ce temps où on partageait le camembert, assis sur un banc avec des projets à refaire. Gratter en profondeur, sentiment d'exister comme une thérapie, et j'en vois persister. S'adapter à l'an 2014, mon frère, pourquoi faire si tu n'y as plus rien à faire. Dédicace à mes potes, je parle de la lyricale, j'en place une pour eux, hé, hey, quoi de plus normal. Je m'installe et parce qu'ici, battez chez moi. Baisse la tête effrontée, reconnais mes lois. La masse s'évertue sans penser que ça la tue. Charger le barillet, toujours bien tiré à vue. T'as vu comment s'exprime le résultat dans le fond. Tu sais quoi, eh ben ne te plains pas. Mon freestyle s'exprime comme un beau graffiti. Le hip hop en guise de rime sans qu'on dise que c'est fini. Et oui, je ne fais qu'avaler cette putain d'instru. Une de plus dans la façon et respecte ce que j'ai vu. Arrête de croire qu'il n'y a que des tirs à vue. Relève les métaphores, ton passé et mon vécu. Parce qu'on est tous les mêmes, que tu le veuilles ou non. Ni plus ni moins des petits hommes et non des pions. Ça résonne dans ma tête pour la rime malouette. Je te plumerai, allumerai mon allumette. Ça sent le soufre du nord au sud, c'est clair. Écarte les nuages, qu'on puisse voir la lumière. Mon cœur vit encore et je regarde dehors. Même avec l'âge, je reste celui qui est pas d'accord, m'en veux pas. C'est l'écriture de ce temps, P2OP encore là à exprimer ses tourments. Ok, ok, ok, P2OP mon frère, mon frère. Check ça, check ça, check ça. Laisse faire les ondes qui te portent à l'horizon. Et parce que l'opinion changera à chaque saison, l'essentiel est d'en voir cette dite obtention. Mon album reste digne avec ses décisions. Tu gardes ce que tu construis, et parce que c'est ainsi. Et même si tu dénonces le non-partage d'autrui, je suis ce que je dis, et non le contraire. Pour habituer la mode à ce que l'odeur peut faire. Parce que l'odeur peut faire, mon frère. P2OP sur le mic.